Les gens s'aiment mais ce n'est pas comme nous. Dans notre histoire l'amour est loi. L'amour est choix, il est tout. Je t'aimais avant te rencontrer. J'écrivais ton nom sans te connaître. Je vis pour caresser ton air. L'amour est toi, un point c'est tout. Dans tes bras chuchotais. Dans tes bras frissonnais. Dans tes bras me consumais. Frissons, frissons, frissons.